Psaume 15. Psaume de David. Éternel, qui est-ce qui séjournera dans ton tabernacle? Qui est-ce qui habitera en la montagne de ta sainteté? Ce sera celui qui marche dans l'intégrité, qui fait ce qui est juste, et qui profère la vérité telle qu'elle est dans son cœur. Qui ne médit point par sa langue, qui ne fait point de mal à son compagnon, qui ne diffame point son prochain. Aux yeux duquel est méprisable, celui qui mérite d'être rejeté, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, s'il a juré, fût-ce à son dommage, il n'en changera rien. Qui ne donne point son argent à usure, et qui ne prend point de présent contre l'innocent. Celui qui fait ces choses, ne sera jamais ébranlé.